Le soleil est bien trop haut. Il brille encore bien trop fort. Insolent de superbe pour un moment qui se sait déjà vaincu. Un pas, puis deux, puis trois. Ironie de la vie. Se retourner n'était qu'une utopie. Et l'on ne revisitait jamais son passé qu'enfoncé pia devant soi. Elle hésite, fébrile. Apprivoisant le décor de son échec, le cœur serré. Avec pour seul juge cette lumière indolente, lui brûlant les épaules à chaque seconde, étouffant ses souffles, étourdissant ses pensées. Et si tout ceci n'était qu'un mirage, se dit-elle en trouvant refuge dans les vestiges de son esprit d'enfant gâté. Si le temps n'avait pas filé, elle ferme les yeux. Les herbes hautes se couchent avant de se couper. Les ardoises du toit se retrouvent avant de s'enlacer. Le dernier pas vient d'être entamé. Agrippée au fer forgé, elle vacille puis continue dans une lutte acharnée. Le vieux transistor posé sur la table du jardin vient de se rallumer. À l'intérieur, le papier peint aux roses bleutées n'a pas encore été arraché. La suspension de la salle à manger oscille doucement au rythme d'une légère brise qui s'engouffre entre les volets. La pendule du salon cliquette. Un chien se couche sur les tomates et dans la chaufferie, la turbine tourne à plein régime. Les yeux toujours fermés, elle supplie. Encore un effort, rien qu'une seconde. Une infime seconde pour retrouver ces années où le temps se faisait oublier. La maison de son enfance, un jardin du Loiret. 16 heures va bientôt sonner. Elle l'apercevra alors s'avancer dans la cuisine, boire son café noir, l'air encore légèrement endormi, avant de rejoindre le vieux transistor et ses bidules qu'il aimait tant réparer. 16 heures va bientôt sonner. Il le faut. C'est une nécessité. Plus tard, je serai. C'est ainsi qu'elle avait franchi ses grilles, la tête pleine de ses ambitions que l'on nourrit plus du regard des autres que de ses propres aspirations. Un matin d'été semblable à des milliers d'autres, et pourtant ce matin-là, elle commettra une faute. Avant de rejoindre la capitale, comme toujours, elle les avait embrassés entre la cuisine et la porte d'entrée. Un baiser comme si de rien n'était. Ne vous y trompez pas. Il n'y avait pas plus égoïste qu'un adieu qui ne s'avouait pas. Dans leur regard, ce matin-là pourtant, il y avait eu de l'amour, de la bienveillance et un rien de candeur aussi. De cette confiance que le mot famille portait légitimement en lui, de ce confort, de ce savoir acquis, chéri pour toute une vie. Je vous aimais, c'est moi que je n'aimais pas. Confie-t-elle dans une larme en s'agrippant fermement aux vestiges que le temps miséricordieux ou juste empressé avait laissé derrière lui. Après son départ, un long voyage d'errance avait commencé, perdu entre ses rêves et la vanité. Ce chemin que l'on prend parfois animé par l'orgueil, la frustration ou la tristesse d'une enfance qui ne se pensait pas assez regardée. C'était si facile de partir si vous saviez comme ça l'était moins de revenir. Elle ne sera finalement jamais revenue accomplie. Et voilà qu'aujourd'hui, accrochée à la bêtise de l'instant, un sentiment de honte s'acharnait sur son buste, déjà suffocant de douleur. Plus de 10 années se seront écoulées. 10 étés, des milliers de matins qu'elle n'aura pas vécu à leur côté, balayant au passage les souvenirs d'autant de soirées d'été, les dîners animés, les chances de l'entendre encore et encore, lui conter les secrets de ses albums aux photos voilées. Une multitude de souvenirs qui ne s'ancreraient plus désormais, d'occasions que la mort avait anéanties sans prévenir un vendredi de mai. Elle ouvre les yeux. Seul le fer forgé et l'ombre de la bâtisse demeuraient. Un amas de larmes et de rage s'empara alors de son existence tout entière. Essayant de se défaire sur un hurlement de ce désespoir accroché au bras d'une fatalité qu'elle n'accepterait jamais. Je pensais ne pas avoir assez de succès à te raconter. Aujourd'hui, je réalise que même sur mes échecs, on aurait pu s'aimer.